Comprendre la situation en Catalogne, c'est la parution d'une lettre de Miguel Ortiz Lombardia qui est parue dans le lundi matin du 1er octobre 2017, jour du référendum ou de la tentative de référendum en Catalogne, à retrouver sur le site lundi.am. Cette lettre naît d'un désarroi, celui de voir le peu d'intérêt des médias alternatifs français, au moins la longue liste de ce que je suis couramment, pour ce qui est en train de se passer en Catalogne. Elle cherche aussi à renseigner mes amis, à partager avec eux mon point de vue sur le sujet. Parce que, évidemment, je peux seulement vous faire partie de mon interprétation des faits que je connais. Je vous invite fortement à aller en trouver d'autres. Nous avons appris l'importance d'être informés sur ce qui se passe ailleurs, autant par vrai souci pour la vie d'autrui que pour mieux comprendre ce qui nous arrive ici et maintenant. Nous savons aussi que les grands médias nous offrent une vision du monde qui correspond presque exclusivement au point de vue culturel et aux intérêts matériels et symboliques de la classe qui les possède. C'est pourquoi les gens qui ne partagent pas ces points de vue, ces intérêts, c'est pourquoi nous, les gens, j'imagine, qui ne partageons pas ces points de vue, ces intérêts, cherchons à prendre des nouvelles du monde aussi, quoique souvent avec difficulté, par d'autres moyens. On réussit ainsi à trouver des informations sur les vies et les parcours des migrants qui arrivent ou tentent d'arriver aux portes de notre forteresse, sur les résistances kurdes, palestiniennes, sahraouies ou autres, sur les luttes des peuples africains et amérindiens contre les fléaux combinés des inégalités, de l'oppression, de l'extractivisme, sur celles en Grèce contre l'asphyxie économique et culturelle programmée par les technocrates de l'Union européenne. On peut se dire que nous avons en France assez de problèmes, et cela sans tenir compte des problèmes personnels qui peuvent être déjà assez lourds. Nous avons l'état d'urgence permanent, la casse du droit du travail au profit du capital, le démantèlement progressif des services publics, du système de santé. C'est trop dur en plus pour tout vouloir savoir de ailleurs. Alors s'informer un peu, ça va, ça enrichit notre conversation au passage, mais après, il faut se focaliser sur ce qu'on peut envisager de résoudre localement. Soit, sauf qu'à regarder de plus près, ces problèmes d'ici ne sont pas tout à fait nouveaux dans le monde, y compris pas très loin de nous. Allez enquêter en Grèce, au Portugal ou en Espagne à propos de ces questions, vous aurez un bon aperçu des effets des mesures connues déjà là-bas, celles qui viennent au galop en France dans les ordonnances d'un docteur Folamour. On se dit également que ce sont trop d'informations, qu'on ne peut pas toutes les intégrer. Trop d'informations tue l'information, vous savez. Mais le monde est grand et complexe, et s'il est vrai que nul ne peut tout savoir, il ne l'est pas moins que nous avons besoin de ces récits et de leur mémoire, accessibles, si l'on veut que l'intelligence collective puisse en faire quelque chose d'utile le moment venu. Eh bien, je vais vous parler de ce qui se passe en Catalogne. Ce sujet passé à la trappe, même pour des gens qui s'efforcent d'être informés. En fait, je pourrais m'étendre sur la superficialité avec laquelle on passe trop souvent sur ce qui concerne un pays pourtant voisin comme l'Espagne. Je ne le ferai pas. Mais je vais vous donner un exemple. J'entends souvent le terme « extrême gauche » collé à Podemos ou à la mairie de Barcelone, à Ada Colau. Mais Podemos se définit lui-même comme ni de gauche ni de droite. Cela vous dit quelque chose ? Et Ada Colau gouverne la ville de Barcelone en coalition avec le PSC, le Parti Socialiste Catalan. Si elle a pris quelques bonnes décisions vis-à-vis des tourismes de masse, par exemple, elle a aussi continué la répression contre les migrants qui essayent de gagner leur vie par la vente à la sauvette. Bref, si ces partis politiques présentent un certain renouveau et ont des prises de position défendables, on risquerait moins de se tromper à propos de leur vraie nature en les qualifiant de sociaux-démocrates. Car c'est cet espace politique-là qu'ils ont occupé après la fuite vers la droite des partis traditionnellement qui s'en réclamaient. Corollaire, mon mensuel préféré, CQFD, avait consacré en 2015 un dossier au Paris municipaliste en Espagne. Il y était question des différents parfums de Podemos et surtout des partis dits des communs, comme celui de l'Ada Colau. Par contre, pas un mot sur les CUP, les candidatures d'unité populaire, présentes surtout en Catalogne depuis le début des années 2000, bien avant le 15M, sigle par lequel on reconnaît en Espagne le mouvement des Indignados. Contrairement à Podemos ou au commun, les CUP sont un mouvement ouvertement anticapitaliste qui est contre la monnaie unique, contre les programmes dits d'austérité, de la Troïka, qui fonctionne et prend des décisions en assemblée et dont les élus répondent en tout moment devant la base et ne se présentent qu'à un seul mandat. Un parti qui, malgré tout cela, a 7% des sièges du Parlement catalan. Dans mon innocence, j'avais pensé qu'il y en avait assez pour attirer l'attention de la gauche en France. J'ai même fait un courrier à CQFD pour montrer ma déception et les inviter à s'y intéresser. Ma lettre est restée sans réponse, ce que je peux toutefois comprendre et qui me permet de la reprendre en partie ici. Je pense que les CUP ont, hélas, un stigmate difficilement acceptable en France. Elles sont aussi ouvertement pour la constitution d'une république catalane indépendante. Et là, c'est le blocage. Parce que vu d'ici, on se dit, à raison, que les Kurdes ont le droit de réclamer un ou des États propres, et ainsi sous-diviser trois États existants, à savoir l'Iran, l'Irak et la Turquie. Mais l'Espagne ? Ah non, c'est différent. La sacrée constitution dit qu'elle est une et indivisible, tout comme la République française. J'ai l'impression, quand j'en parle avec les amis, que le sentiment ici est que la Catalogne essaye de faire un peu comme ce qu'on nous a dit du nord de l'Italie, c'est-à-dire d'échapper à un État qui oblige ces régions relativement plus riches à une certaine forme de solidarité avec des régions moins prospères. Je ne vais pas nier que pour une partie des indépendantistes catalans, il s'agit bien de cela. Mais en Catalogne, vous ne trouverez pas l'équivalent de la Ligue du Nord italienne. La majorité des fascistes catalans sont pour l'union avec l'Espagne. D'autre part, Barcelone a été la première grande ville européenne où des dizaines de milliers de gens sont sortis à la rue pour réclamer que l'État accepte et organise la venue et l'accueil de son quota de réfugiés, voire davantage. Mais la vision économiste du problème catalan est qu'on ne saurait espérer autrement, véhiculée et mise en avant par les grands médias en Espagne et ailleurs. Il est plus inattendu qu'elle reste presque le seul point de vue des gens qui sont pourtant capables d'aller au-delà des idées reçues concernant d'autres sujets. Je n'accuse personne. J'ai exposé plus haut des raisons qui peuvent expliquer cette méconnaissance, des raisons que j'accepte en un premier temps, mais que je pense qu'il faudra dépasser. Que se passe-t-il donc en Catalogne ? Je commence un peu à côté pour vous dire que je ne suis pas nationaliste, ni catalan, ni espagnol, ni européen. Lorsqu'on me demande d'où je viens, je réponds invariablement par le fait géographique de base, Barcelone. Si j'étais sûr d'être compris, je donnerais la latitude et la longitude à la place du nom de la ville. Pourtant, je n'ai pas honte d'être né là-bas, c'est que pour moi, cela n'est qu'une partie, de la plus contingente qui soit, de mon histoire. Ne me sentons donc pas partie de la nation catalane, les arguments historiques pour son indépendance me sont étrangers, insuffisants et très discutables. Je suis par contre pour l'autodétermination de toute société qui voudrait se gouverner par elle-même, qu'elle s'appelle nation ou non, mais secondaire. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si les communautés zapatistes s'en considèrent une. Ceci dit, je ne pourrais pas accepter n'importe quelle forme de gouvernement, en particulier ceux basés sur la haine, la violence, l'exclusion. Mais ce serait alors la haine, la violence et l'exclusion que je combattrais, et non leur volonté de se gouverner par eux-mêmes. Voici donc ce que je pense à propos du problème catalan. Ce problème vient de loin. Les nationalistes vous diront 300 ans. Ceux qui se sont passés depuis la fin de la guerre de succession espagnole. Il a connu différentes formes en différents moments. Il a été nourri par l'attachement des Catalans à leur langue et à leur tradition, ainsi que par les narratives héroïques de son histoire, plus ou moins fausses, comme souvent le sont ce type de récits. Jusqu'ici, le cas typique d'une nation sans État, une parmi d'autres dans la formation des États modernes en Europe, n'a pas réussi à construire le sien. On ne peut donc nier que c'est bien un sentiment nationaliste qui a cherché, avec plus ou moins de force, l'autonomie, voire l'indépendance. On ne peut pas non plus nier, comme les gouvernements espagnols l'ont toujours fait, qu'il y a une nation en Catalogne, vu que le sentiment d'en constituer une a été constant et souvent majoritaire chez les Catalans. J'ai quitté Barcelone à 18 ans. À ce moment-là, une majorité des Catalans se disaient nationalistes, mais je dirais que moins de 20% étaient pour l'indépendance. Et je n'étais pas parmi eux. Aujourd'hui, près de la moitié, dont moi, sommes pour l'indépendance. Une si rapide évolution montre que le problème catalan a dû quelque part changer de nature. H.L. Mencken, par ailleurs assez peu fréquentable, écrivit: il y a toujours une solution bien connue pour chaque problème humain, claire, plausible et fausse. Il serait facile d'appliquer la montée de l'indépendantisme par la crise. Ce serait oublier la partie symbolique du problème, celle du mépris du peuple démocratiquement représenté. En 2005, avant que la crise éclate, le gouvernement catalan est dirigé par une coalition de gauche, avec les socialistes en tête, et dont seulement un parti, le RC, gauche républicaine catalane, se déclare indépendantiste. La droite nationaliste, alors non ralliée à l'indépendantisme, est en minorité au Parlement catalan. Ce Parlement approuve en septembre 2005 un nouveau statut d'autonomie avec 90% des voix de ses députés. Deux ans avant, en décembre 2003, alors candidat socialiste au poste de Premier ministre, Rodríguez Zapatero avait promis lors d'un meeting à Barcelone qu'il soutiendrait toute proposition de statut approuvée par le Parlement catalan. En 2006, avec une majorité suffisante au Congrès espagnol, en bonne partie grâce aux députés socialistes catalans, Zapatero non seulement ne tient pas sa promesse, mais il oblige à raboter le statut de ses demandes les plus fédéralistes et nationalistes. Abandonnant ses alliés de gauche et même les propres socialistes catalans, il s'allie à la droite nationaliste catalane et arrive à un compromis au Congrès espagnol. Le statut ainsi dénaturalisé est pourtant approuvé en Catalogne par un référendum, 74% pour et 21% contre, participation à 49%, que le gouvernement d'Espagne a accepté à contre-cœur, craignant que la population refuse le statut. La commission électorale et la Cour suprême avait interdit de promouvoir la participation. Quelques jours plus tard, la droite espagnole, le PP, dépose un recours d'inconstitutionnalité auprès de la Cour constitutionnelle contre 187 des 223 articles du nouveau statut. Le PP arrive au pouvoir en 2008, la Cour constitutionnelle ne s'est toujours pas prononcée et le renouvellement de ses juges est un enjeu majeur de la législature. Et ce sont des juges très à droite qui, en juin 2010, donnent raison à la plupart des demandes du PP. Moins de deux semaines plus tard, le 10 juillet, entre 1 million et 1 million et demi de personnes manifestent à Barcelone derrière le slogan « Nous sommes une nation, nous décidons ». La première d'une longue série de manifestations massives. La crise, certes, était arrivée entre-temps, mais ce n'est pas elle qui a sorti les gens dans la rue. Le premier point de bascule dans cette histoire est, à mon avis, ce 10 juillet 2010. En ce moment, ce sont surtout des nationalistes de droite qui, jusqu'ici pour la plupart, commodent avec le système dit « autonomique », qui commencent à pencher pour le camp de l'indépendance. En 2011, le mouvement du 15M remue l'Espagne. Quelques tabous se brisent. La monarchie, par exemple, ne va plus de soi. Le républicanisme et le fédéralisme reviennent aux discussions politiques pour une partie de la population. Pendant un certain temps, un élan de démocratie directe souffle et fait naître des espoirs. Mais Manquant de force et d'organisation, le mouvement s'essouffle. En partie parasité par des nouveaux partis politiques créés ad hoc, dont Podemos, qui tire finalement l'épingle du jeu. Ces partis promettent d'entrer dans le jeu représentatif pour porter aux institutions la voix du peuple, ce peuple qui disait aux députés « Vous ne nous représentez pas ». En Catalogne, ce mouvement des places est, en plus, traversé par les mouvements nationalistes de gauche. Il aura une évolution différente de celle qu'il vivra en Espagne. Entre les discussions qui se tiennent dans les assemblées des places et des quartiers, le sentiment que l'indépendance pourra être un moyen de donner plus de pouvoir au peuple prend d'ampleur. Certains diront que les nationalistes de gauche ont manipulé les autres pour rallier au camp indépendantiste des gens qui ne venaient pas du nationalisme. Que des manipulations, il y en a toutes sortes, et surtout en politique, j'en suis convaincu. Je me trompe peut-être, mais je ne pense pas que ce soit ici le facteur le plus important. Quoi qu'il en soit, je pense qu'à ce moment, ce sont en effet des gens de gauche, nationalistes ou non, qui ont basculé vers le camp de l'indépendance, la voyant comme une condition de possibilité d'un procès constituant, ou d'un process constituant, vers une république catalane plus sociale, moins dominée par les oligarchies. Après la fameuse sentence de la Cour constitutionnelle, à chaque fois que le gouvernement catalan a passé des lois, qui étaient à peu près de la limite du statut de foire à beauté, le gouvernement espagnol l'a saisi pour paralyser ses lois. La Cour lui a donné gain de cause presque à chaque coup. Certaines de ces lois touchaient par exemple aux écoles, aux impôts, comme celui gravant les banques propriétaires de logements vides. À certaines garanties sociales, comme une loi empêchant les compagnies de gaz et d'électricité de couper le jus aux gens sans ressources. À l'écologie. Le sentiment de mépris alimenté, en plus par une arrogance sans pareil de la part du gouvernement espagnol, ne pouvait que nourrir en un premier temps la rage, puis l'envie de trouver une sortie. On a commencé à parler de plus en plus d'un référendum d'autodétermination que la plupart des Catalans voulaient négocier. On s'est trouvé avec la négative systématique. On nous a dit que la constitution espagnole ne permettrait pas une telle rêverie et que puisque cette constitution était le fruit laborieux d'un grand consensus à l'issue de la dictature, il ne fallait pas la toucher. La stratégie bien rodée de la peur. Si on touche la Constitution, c'est à nouveau la division, le chaos et qui sait, peut-être même la guerre. Or, la Constitution avait déjà été réformée en 1992, suite au traité de Maastricht. Pire, l'été de cette année 2011, l'année des Indignados, en plein mois d'août et par une procédure d'urgence et en lecture unique, les Cortes, réunion de deux chambres législatives, avec les socialistes de Zapatero au gouvernement et avec le support du PP et de ses affidés de l'UPN, la droite de Navarre, réforme son article 135. Cette réforme inscrit dans la Constitution, l'espagnole, la règle d'or désormais indépassable dans les dépenses publiques. Pire encore, elle impose que le service de la dette passe devant toute autre priorité de l'État, y compris la santé, l'éducation, les retraites. Comme les trois partis ont plus de 90% des sièges, aucun référendum n'est convoqué alors qu'une très grande partie de la population crie au scandale. La Constitution est donc réformable, mais seulement si les grands partis, représentant les oligarchies vieilles et nouvelles, le veulent. Le sentiment de la plupart d'entre nous en Catalogne et au-delà est qu'ils ne voudront jamais, en ce qui concerne la forme de l'État, république ou monarchie, ni en ce qui concerne le droit d'autodétermination des peuples faisant partie de l'Espagne. Podemos n'a pas réussi le sursaut politique qui avait donné un certain espoir de vrai renouveau et n'importe avec lui un peu d'honnêteté intellectuelle. N'importe qui avec un peu d'honnêteté intellectuelle se doit d'avouer que la situation est dans une impasse. Je ne suis pas le seul à penser que si les politiciens espagnols avaient montré un peu plus d'intelligence et avaient vraiment souhaité négocier, tout ce process aurait été désamorcé. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent négocier autre chose que le financement. Ils ne veulent pas admettre qu'il ne s'agit plus qu'une question d'argent. Ou qu'il s'agit plus d'une question d'argent. Pardon. Si un référendum d'autodétermination avait été proposé et conduit comme au Québec, comme en Écosse, les indépendantistes l'auraient fort probablement perdu. Parce qu'il y a au minimum une moitié de la population qui ne veut pas, même aujourd'hui, l'indépendance. Parmi eux, beaucoup de nationalistes espagnols, dont une minorité reste dans les pires schémas de la dictature franquiste, tandis qu'une majorité d'entre eux a tout simplement le même attachement à leur langue, à leurs coutumes, à leur histoire, plus ou moins inventée, que les nationalistes catalans aux leurs. Mais il y a aussi des gens qui sont contre l'indépendance sans être des nationalistes espagnols, qui pensent seulement qu'une Catalogne indépendante n'a pas de sens, ni politiquement, ni économiquement, qu'on va plus loin unis que séparés, ou qui sont tout simplement dégoûtés par la propagande nationaliste catalane qui a sévi avec force décuplée ces 5 dernières années. Avec tous, sauf avec les plus rances, on devrait pouvoir discuter, il aurait été sain de le faire. Je comprends en particulier les compas d'en bas à gauche qui me disent que c'est beaucoup d'énergie investie en un process qui ne devrait aboutir au mieux qu'à un autre état. J'ai été du même avis longtemps. Mais je pense maintenant que face à l'immobilisme, voire au recul, un pas en avant, d'ailleurs pas si petit que ça, même s'il est insuffisant, vaut le coup. Bref, dans le scénario d'un référendum négocié, je pense qu'une partie des indépendantistes d'aujourd'hui aurait rejoint les rangs de ces unionistes qui voudraient aussi un changement. Hélas, on n'en est pas là. Certes, les indépendantistes du Parlement catalan ont fait des entorses à leurs propres lois et règlements pour pouvoir passer en force et en urgence les textes qui convoquent le référendum unilatéral et qui créent le cadre pour une transition en cas de victoire du oui. Ils ont agi ainsi par stratégie pour que la tendue réponse du gouvernement espagnol n'ait pas le temps de se déployer et de l'arrêter. Mais le gouvernement espagnol a réagi rapidement et sans ménagement, se moquant au passage lui aussi de ses propres lois, perquisition sans ordre judiciaire, mandat d'arrêt avant qu'un délit soit commis, essai d'intervention des comptes et de la police catalane, et plus grave encore, attaque d'un droit fondamental, le droit de la liberté de la presse. S'entêtant à résoudre par la voie judiciaire, qui sait si par la force, un problème politique, le gouvernement espagnol a montré que la séparation de pouvoir en Espagne est une chimère. En plus, on nous dit que ce référendum est illégal et que ce qui est illégal est antidémocratique. Ce sont des mots du Premier ministre espagnol. Oublions au passage que toutes les luttes démocratiques ont dû, à un moment ou à un autre, faire fi des lois injustes, y compris par la voie révolutionnaire, pour précisément aboutir à plus de démocratie. En envoyant des policiers pour explicitement empêcher ce référendum, ce gouvernement a aussi montré qu'il est capable d'aller très loin. On espère que ce ne soit pas trop loin. Que tout cela arrive dans un pays européen sans que personne bronche là-dessus, au-delà des Pyrénées, me semble très préoccupant. Cela dit très long du niveau d'acceptation de ce type de mesures d'urgence en Europe. Ces derniers jours nous ont montré qu'une solution négociée n'est pas possible aujourd'hui. Certains politiciens espagnols gesticulent maintenant et demandent de pourparlers. Or, Podemos, malgré leur nom, ne peuvent pas. Pour changer la constitution espagnole, ils font compter avec le PPP, majoritaire au Sénat, et avec les socialistes, entre guillemets. Et les socialistes, même s'ils prétendaient vouloir négocier, ont perdu toute crédibilité à force de rompre leurs promesses. Seules les instances internationales pourraient forcer une médiation, mais on connaît bien l'efficacité de la communauté internationale et de l'européenne en particulier, alors contrairement à beaucoup de Catalans, je n'en attends rien. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va se passer le 1er octobre ni le jour d'après. Je peux vous dire par contre que nous sommes beaucoup à vouloir montrer ce jour-là notre détermination à nous gouverner comme peuple souverain. Ainsi, je pense qu'une étape a été franchie et que difficilement la vie politique sera la même en Catalogne et en Espagne. Quoi qu'il advienne ces prochains jours, il faudra toujours lutter contre toute autorité espagnole, catalane ou autre, nous imposant une vie que nous ne voulons pas. Salut y alegría, Miguel Ortiz, Lombardia. Voilà, c'était la lecture de la longue lettre écrite par Miguel Ortiz Lombardia et qui est parue dans le lundi matin 116 du 1er octobre 2017 à retrouver sur le site lundi.am. Comprendre la situation en Catalogne, c'est le deuxième texte.